On va essayer d'aborder un sujet qui est extrêmement ambigu et qui est d'une importance vitale pour l'évolution de l'homme. Et lorsque je parle de l'évolution de l'homme, je parle de l'évolution de la planète. Je ne parle pas seulement de l'évolution d'un individu particulier qui a tendance à vouloir se sauver à travers les autres. L'évolution de l'homme se fait toujours dans un cadre d'évolution. Et quelle que soit l'évolution, il doit être placé dans un cadre. Si c'est dans le désert du Sahara, le cadre est le désert du Sahara. Cadre qui contient la chaleur, l'aridité, le sable, etc. L'évolution de l'homme dépend donc de l'homme et du cadre. Et lorsque l'homme, le bon homme, le bon être évolutif est placé dans le bon cadre, il y a bonne évolution. C'est-à-dire qu'il y a rapidité d'évolution. Il y a agencement de mécanismes évolutifs qui vont permettre à l'homme, à l'individu, de pouvoir évoluer plus parfaitement, donc plus rapidement. En réalité, l'évolution de l'individu placé dans le bon cadre n'est pas accélérée. Elle se fait plus rapidement parce que c'est le temps qu'elle se fasse plus rapidement. Elle n'est pas accélérée. Nous allons donc parler de ces cadres d'évolution. Nous connaissons des êtres évoluants sous le nom d'hommes. Nous en connaissons d'autres sous le nom d'anges, et nous en connaissons d'autres sous le nom d'archanges, et nous en connaissons d'autres sous différents autres noms. À l'origine, la vie sur la planète Terre est apparue par différents mécanismes biologiques et mécanismes électrochimiques qui ont permis à différents acides aminés d'être créés et par après, selon un agencement créé par l'amour, par l'attraction des molécules l'une par rapport aux autres, on a eu naissance, on a vu l'apparition de différentes formes de corporalité qui étaient plus proches du règne minéral que d'autres règnes. L'évolution du Père, qui est l'être le plus évolué, l'être qui est arrivé au point, à un summum d'évolution lors de l'époque de Saturne, a vu l'engendrement de d'autres formes d'êtres, la création de d'autres êtres, que nous connaissons sous le terme archange, ou fils de Dieu. Le Christ s'est avéré à être le summum de l'évolution pendant la période du soleil. Le Père est présentement exprimé, disons vivant, disons qu'il existe, dans un soleil que l'on peut appeler, par son terme ésotérique, soleil spirituel, qui est une forme d'immense soleil placé au centre de nos univers. Le Christ est présentement placé dans un soleil hautement plus évolué que notre soleil conventionnel, un soleil qui régit l'évolution de milliers de planètes et de milliers de soleils comme le nôtre. Pendant la période de la Lune, l'être le plus évolué, Jéhovah, le maître des seigneurs de la Lune, est arrivé à une perfection qui lui a permis d'instaurer des lois pour permettre l'évolution coordonnée des planètes et évidemment des êtres minérales, végétales, animales et hominales qui pourraient les habiter. Jéhovah, le maître des seigneurs de la Lune, est connu aussi sous le nom de Saint-Esprit. Jéhovah et l'énergie supramentale sont extrêmement proches. Jéhovah habite un soleil, le soleil visible, le soleil de notre système solaire. Et Jéhovah ne régit que notre système solaire. Jéhovah est régi par le Christ, et le Christ est régi par le Père. Jéhovah a comme fonction de régir, de coordonner, c'est-à-dire d'établir des lois. Des lois qui devront être suivies à la lettre sous peine de karma, donc sous peine de punition, si on prend les termes spirituels donnés aux êtres qui n'avaient pas la possibilité de comprendre. Les lois instaurées par Jéhovah ont été instaurées pour permettre au Seigneur des Lunes, c'est-à-dire, en ce qui concerne notre planète, au Seigneur de la Lune, ceux qui vont par la suite donner naissance à l'homme inal, à l'homme évolutif sur le plan planétaire. On a aussi les seigneurs de Mercure, les seigneurs de Vénus, qui sont des seigneurs de Lune, mais Lune qui sont attribués à ces planètes. Donc, Jéhovah a comme fonction, fonction formidable, de déterminer les cadres dans lesquels l'homme évoluant, l'être évolutif, pourra évoluer. C'est lui qui déterminera les cadres chez les êtres qui seront involués parmi ceux qui évolueront, c'est-à-dire chez les enfants du brouillard, les seigneurs de la Lune, et tous ceux qui vont donner naissance à l'homme. Nous ne parlerons que de l'évolution de l'homme sur le plan planétaire, étant donné que l'évolution de d'autres formes d'entités sur d'autres planètes ne nous concerne pas. Donc, des seigneurs de la Lune sur la planète qui est en ébullition, planète Terre qui n'est pas suffisamment densifiée par le temps, donc qui n'est pas refroidie, vibrations qui sont toujours hautement vibratoires, la planète en ébullition, les seigneurs de la Lune vont réussir à atteindre un degré suffisant d'évolution pour pouvoir s'installer sur une immense planète, la Terre, qui porte différents noms dans différentes cosmogonies. Nous l'appellerons la Terre. Sur le premier continent, c'est-à-dire sur la première forme de calcaire qui va apparaître au-dessus de l'ébullition de la matière en fusion, ébullition surtout de l'eau, la Terre blanche, les seigneurs de la Lune vont pouvoir s'installer. Ils s'installeront dans des corps physiques, c'est-à-dire ce seront des corps physiques totalement différents des nôtres, corps physiques totalement subtils, non pas spirituels, mais subtils. Et ces corps physiques ne seront régis que par une mémoire imposée par Jéhovah, c'est-à-dire une mémoire moléculaire, chimique, qui n'est pas tout à fait légale de l'énergie mémorielle du plan vital qui conserve vos corps et qui conserve les corps matériels dans des formes parfaites, c'est-à-dire presque immuables. Dans les premiers temps, sur la Terre blanche, les seigneurs de la Lune, donc les premiers hommes qui ont pu habiter la planète, avaient un corps qui était constamment en changement, un corps qui était presque en ébullition, au même titre que le plan corporel de la planète. Ils n'avaient que des corps physiques, ils n'avaient pas de corps vital. Leur mémoire physique ébullitive était constamment conservée par le pouvoir des seigneurs de la Lune, c'est-à-dire par le pouvoir du Seigneur des seigneurs de la Lune, c'est-à-dire par Jéhovah. Je vais passer par-dessus différentes étapes géologiques de l'époque de la Terre blanche. Et nous allons arriver immédiatement à l'apparition de l'Hyperborée. L'Hyperborée était un continent relié à la Terre blanche, continent qui couvre présentement une partie du Québec, une partie du Canada, une partie du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, on le sait. Sur l'Hyperborée, lentement, toujours en se densifiant, le continent hyperboréen avait une matière beaucoup plus solide que le continent connu sous le nom de Terre blanche, Terre sacrée, Éden, Montmérou, etc. Les êtres qui ont habité l'hyperborée, les êtres involuants des seigneurs de la Lune, involuants en ce sens que leur corporalité avait de plus en plus tendance à devenir solide, mais évoluant en ce sens que malgré leur involution, ils se dirigeaient vers l'acceptation, l'approbation et la génération de différents corps qui leur permettraient à un moment donné une évolution. Autrement dit, ces êtres qui étaient en phase d'involution se devaient d'involuer pour arriver un jour à évoluer plus par-dessus ce qu'ils étaient au départ. Vous devez vous rendre malade pour arriver à vous guérir et à vous percevoir et à exprimer une santé meilleure qu'avant la maladie. Donc, ces êtres étaient évoluants dans l'ensemble qui pourrait être constitué par quelques milliards d'années, mais dans l'ensemble constitué par quelques milliers ou quelques millions d'années, ils étaient en phase d'involution, comme l'homme présentement est en train de terminer sa phase d'involution qui est contenue dans une immense phase d'évolution. L'homme n'arrivera pas à évoluer rapidement s'il n'a pas commencé par involuer. Donc, l'involution fait partie intégrale de l'évolution. Alors donc, nos hommes, descendants des seigneurs de la Lune, sur le continent hyperboréen, ont vu leur évolution se densifier, se concrétiser, s'exprimer. Leur corps a commencé à être régi par une nouvelle forme de loi, une nouvelle forme d'expression, une nouvelle forme de contenant. Le corps physique de l'homme de la Terre blanche était en ébullition, donc il ne gardait jamais sa forme. Il flottait au-dessus de l'air, et l'air de l'époque était presque noir, c'est-à-dire que le soleil arrivait à peine à percer le brouillard de l'ébullition de l'eau. Tout était brumeux. Il n'y avait presque pas de soleil à cette époque sur la planète. L'être hyperboréen s'est donc vu, disons, donner un corps vital, c'est-à-dire que, se densifiant de plus en plus, la vitalité physique est devenue moléculaire, elle est devenue atomique. Devenant atomique, elle est devenue régie par des courants d'attraction que l'on appelle l'amour. Quoique le corps astral n'existait pas encore, donc l'amour n'était pas encore exprimé réellement dans le plan de la planète, l'énergie vitale a commencé à apparaître. L'énergie vitale a commencé à conserver les formes des corps des êtres évoluants. Donc, leur corps est devenu de plus en plus tangible et de plus en plus immortel, selon la forme. L'énergie vitale, une fois bien acceptée par l'énergie physique, a créé une nouvelle race, la race hyperboréenne. Le continent hyperboréen a continué sa densification, de même que la planète, et, par après, une nouvelle forme de continent est devenue habitable, celui de la Lémurie. Le continent hyperboréen s'est désagrégé sous son propre poids, c'est-à-dire que la matière qui le constituait n'étant pas suffisamment solide pour pouvoir accepter une densification dangereuse, c'est-à-dire que lorsque l'air vous pèse sur la tête, ce n'est pas trop pesant. Lorsque tout l'air est devenu liquide, c'est drôlement plus pesant. Et lorsque l'air devient solide, alors là, ça devient pesant. Le continent hyperboréen a surgi. Il a tenu jusqu'à un temps où il est devenu trop pesant pour lui-même, étant donné qu'il était placé sur le sommet de différentes montagnes plus solides. Il s'est simplement désagrégé. Il s'est enfoui. La race qui a vécu sur la Lémurie, et je vous explique tout cela pour bien vous faire comprendre à un moment donné les mécanismes qui régissent même les cadres d'évolution, la race qui est apparue en Lémurie était évidemment une race descendante de la race hyperboréenne. Elle s'est densifiée encore plus et, à cette époque, l'énergie astrale a commencé à faire son apparition. Donc, l'énergie vitale a été poussée à un summum tel qu'il a permis une relation avec une énergie émotive, une énergie de désir, donc une énergie astrale. Lorsque l'énergie vitale a été suffisamment exprimée sur le continent lémurien, on a vu l'apparition de la sexualité et de la différenciation des sexes. L'énergie astrale est apparue en Lémurie. Elle est apparue en Lémurie, et vers la fin de l'époque lémurienne, une nouvelle race, amenée par les seigneurs de d'autres planètes, les seigneurs lunaires de d'autres planètes, de Vénus entre autres, ont donné la possibilité à l'homme humain, vestige des seigneurs de la Lune, de pouvoir, à un moment donné, engendrer un corps intelligent avec une race que l'on connaît sous le nom de race arienne, la race violette. La race arienne a cheminé sur le continent lémurien vers la fin de ce continent et sur le continent atlantéen au début de l'expression de ce continent. Je vous rappelle qu'à cette époque, il n'y avait toujours pas de soleil, de ciel bleu sur la planète. Tout était toujours brumeux. Les êtres qui vivaient en Lémurie étaient des êtres qui ne respiraient pas avec des poumons, mais qui respiraient avec des branchies. L'air était suffisamment liquide, c'est-à-dire qu'il y avait suffisamment d'eau. L'humidité était à 100% et l'homme respirait à travers l'eau, beaucoup plus qu'à travers l'air. L'Atlantide surgit La Lémurie s'enfonce encore une fois sous son poids car elle est supportée par certains pylônes massifs beaucoup plus densifiés et densifiés antérieurement avant l'apparition du continent lémurien. Les tremblements de terre vont précipiter l'enfoncement de la Lémurie, mais si la Lémurie aurait été aussi solide que le continent européen et américain, elle serait toujours là aujourd'hui. L'Atlantide va voir l'apparition de différents patriarches, de différents initiés, dont Noé. Noé est né en Atlantide et Noé a vécu l'enfoncement de l'Atlantide, le déluge, les déluges, car il y en a eu plusieurs, il y en a eu au moins sept, qui ont balayé l'Atlantide et évidemment le reste des continents. Noé s'est enfui de l'Atlantide, des terres rouges, de Poséidonis, et a échoué sur le mont Ararat, en Turquie. Noé est un des descendants de la race atlantéenne, mais l'un des premiers à avoir eu accès à des poumons. Lors de ces déluges, il n'avait, avant les déluges universels, disons qu'appelons-le le déluge universel, mais même s'il comprend plusieurs déluges, il n'avait jamais plu sur la planète. Il ne pouvait pleuvoir sur la planète étant donné que l'air était à 100% humide. Si vous habitez dans un nuage, il ne pleut jamais dans le nuage. Vous devez habiter en dessous du nuage. La Terre s'est refroidie et la densité de l'eau dans l'air est devenue suffisamment lourde pour qu'à un moment donné, il y ait séparation entre l'eau et l'eau. On a vu l'apparition réelle d'océans et on a vu l'apparition réelle de nuages. Ces nuages se sont densifiés rapidement. Ils ont pris une proportion catastrophique, c'est-à-dire que la planète était recouverte d'une vapeur d'eau qui, lorsqu'elle s'est transformée en nuage, a créé un nuage qui recouvrait la planète. Les Atlantéens de la 4e, 5e, 6e sous-race rouge du continent atlantéen ont densifié l'époque matérielle au maximum. C'est sur l'Atlantide que l'homme s'est vu doté d'un intellect, c'est-à-dire d'un corps mental, parce qu'il y a eu mélange entre l'homme animal et la race aryenne, disons, l'homme divin. Il y a eu mélange avant son temps, ce qui a précipité l'homme, c'est-à-dire ce qui a précipité la race adamique, dans un chaos incroyable, et de ce chaos va surgir l'homme d'aujourd'hui. Un mélange entre une race divine et une race planétaire. Les Atlantéens ont densifié la matière d'une façon incroyable et leurs vaisseaux, pour pouvoir se promener, étaient des vaisseaux qui avaient la possibilité de flotter dans l'air. Maintenant, il faut bien s'entendre que l'air était extrêmement dense, ce qui ne demandait pas autant d'énergie à un vaisseau pour qu'il arrive à flotter dans l'air qu'un avion va en demander. À un moment donné, le soleil, toujours réchauffant l'extérieur de la planète et la planète se refroidissant de son intérieur, les nuages ont été créés. De plus en plus, les vapeurs d'eau ont commencé à être ingérées par les océans, par les rivières, les fleuves, et les vapeurs d'eau qui étaient à la surface se sont transformées en nuages. Donc, on a vu apparaître un air beaucoup plus subtil, beaucoup moins dense. Ce qui a précipité la catastrophe de la race atlantéenne, c'est que la race atlantéenne avait des moyens de voyager qui flottaient dans l'eau, disons, gazeuse. Et lorsque l'air est apparu, ces moyens ne pouvaient plus flotter. Donc, on a eu des catastrophes au niveau du voyage, au niveau de tout ce qui était contrôlé par la race atlantéenne. Leurs moyens de locomotion ne fonctionnaient plus. D'ailleurs, Noé s'est aussi écrasé sur le mont Ararat avec un vaisseau qui flottait non pas juste sur l'eau, mais sur de l'eau gazeuse. Les premiers Atlantéens de la 6e et 7e sous-race rouge ont commencé à voir se développer en eux des poumons. Noé était l'un de ceux-là, et Noé avait pressenti qu'à un moment donné, il y aurait un déluge universel. Pour punir l'homme, non pas nécessairement. Mais cela devait se faire car cela était régi par des mécanismes qui régissent le cadre d'évolution de la planète, des lois naturelles. Noé s'est donc arrangé avec plusieurs. Et on n'a pas eu un seul Noé. On a un Noé qui s'est échoué sur le continent de l'Amérique du Sud. Et on a eu un Noé qui s'est échoué près du mont Ararat, dans le coin de la Mésopotamie, en Turquie. À un moment donné, les nuages se sont complètement densifiés, l'air est devenu limpide, et les êtres qui ne pouvaient vivre qu'avec leurs branchies ont dû se cacher dans le fond de l'océan et sur le fond même dans le fond de leurs îles. Les catastrophes telluriques qui ont balayé l'Atlantide sont une chose. L'Atlantide, je le répète, couvrait aussi une partie de l'Afrique. À un moment donné, toute cette brume qui s'était densifiée en nuages s'est transformée en pluie, ce qui, évidemment, a créé le déluge universel qui s'est réparti sous plusieurs formes de déluge. Lorsque le cadre d'évolution atlantéen a été balayé, il ne restait que quelques îles qui sont disparues par la suite, submergées par l'eau qui augmentait, le volume de l'eau qui montait continuellement. Lorsque Noé est arrivé sur les continents européens, il a pu voir pour la première fois de sa vie l'apparition d'un arc-en-ciel qui, selon les traditions, ont été l'un des signes de Dieu, comme quoi jamais plus il n'y aurait de déluge. On n'a pas besoin de Dieu pour nous assurer que jamais plus il n'y aurait de déluge. Jamais plus il n'y aura autant de nuages, car cela est impossible. Maintenant, nous avons un ciel bleu. Pour voir l'apparition d'un arc-en-ciel, nous devons avoir un ciel clair, avec un soleil proche de l'horizon et une formation nuageuse à l'opposé. Et si possible, quelques précipitations. À l'époque atlantéenne et antérieure à l'Atlantide, il n'y avait jamais d'arc-en-ciel étant donné que l'air était brumeux. C'est-à-dire que l'homme vivait dans une brume totale et le soleil, il ne le voyait qu'à travers une espèce de grand voile et il ne le voyait que de manière très diffuse. Les initiations solaires de cette époque ont été absentes. Une fois ces nuages transformés en pluie, cela augmente le niveau des océans, cela recouvre la Terre au complet, et une fois que cela est fait, nous pouvons apercevoir pour la première fois les arcs-en-ciel. Il n'y aura plus de déluge. Le cadre d'évolution de la planète est transformé. Ce qui avait à être est arrivé. L'homme a des poumons. L'homme va s'établir sur les nouveaux continents qui sont l'Amérique et qui sont l'Europe. Mais la race aryenne va voir sa naissance aux Indes et non pas sur le continent américain. Le continent américain va absorber les vestiges lémuriens et atlantéens pour créer différentes races comme les Mayas, les Aztèques et les Incas. Revenons donc à notre propre race, celle de la race aryenne. Quelque temps après, on a eu l'apparition de Rama, qui a dirigé la race blanche, la race aryenne, notre race. Les cadres d'évolution se sont bâtis d'eux-mêmes, toujours dirigés par l'Esprit Saint, c'est-à-dire par le Seigneur des Seigneurs de la Lune, par Jéhovah. Jéhovah a instauré des lois et il s'est arrangé pour que ces lois puissent être communiquées par l'homme aux hommes. Ces lois étaient rigides et l'homme qui s'en détournait devait payer. Jéhovah n'est pas un dieu dans le ciel. L'interprétation de Jéhovah par l'homme a créé le dieu et les dieux dans les ciels, car évidemment, il y a 4 ciels planétaires et 3 cieux. L'ordre qui régissait l'évolution, les cadres de l'évolution à cette époque, et cette époque va jusqu'à l'apparition du Nazaréen. À partir de l'apparition du Nazaréen, tout ce qui a été soumis par Jéhovah à l'homme devient presque inutile. C'est-à-dire que Jéhovah étant le maître des seigneurs de la Lune, celui qui doit régir les personnalités évolutives qui ont de la difficulté, les retardataires, disons, de tous les plans planétaires en évolution, devait instaurer des lois pour diriger l'homme qui était retardataire, et à un moment donné, par l'admission d'une énergie supérieure sur le plan planétaire, on a pu avoir accès à des énergies qui ont transformé certaines personnes, qui ont transformé l'homme, et à partir de ce moment, ces hommes ne sont plus régis par les lois de Jéhovah. toutes les religions ont été assujetties aux lois de Jéhovah. Les religions qui manipulent les masses, les religions organisées, ont été organisées pour le peuple qui ne pouvait comprendre, pour l'homme qui n'avait aucune conscience de lui-même, pour l'homme qui ne transmettait que la sexualité, pour l'homme qui n'avait que comme fonction de croître et de se multiplier. L'intellect a été donné à l'homme sur le continent atlantéen, et à partir de ce moment, l'homme qui avait un astral depuis la Lémurie s'est servi de son intellect pour pouvoir transformer l'univers, pour l'assujettir à ses désirs. Et à cet homme, nous devions donner des lois qui devraient régir son évolution. Donc, le cadre d'évolution de la planète était sujet à être transformé par le cadre émotif de l'homme évoluant. Cela ne pouvait se faire, alors automatiquement, par le biais de la psychologie, par le biais de l'astral spirituel, de l'astral très éprouvé, de l'astral peureux de l'homme, Jéhovah a pu instaurer un cadre d'évolution qui ne pouvait pas être transformé par l'homme. Alors l'homme pouvait transformer son cadre extérieur matériel, cadre extérieur matériel qui régit l'évolution de l'homme, mais il ne pouvait transformer son cadre psychologique, son cadre de superstition. On le lui imposait et il n'avait pas le choix. Pour transformer le cadre de la psychologie ou le cadre de l'évolution, le cadre de la superstition, l'homme doit automatiquement être en relation avec Jéhovah, c'est-à-dire avec l'Esprit-Saint, et non pas être assujetti à l'Esprit-Saint. L'homme doit devenir cette chose. L'homme essaie d'entrer en contact avec l'énergie du supramental. L'homme essaie de laisser son mental agir. Ce sont des expressions qui ne dénotent pas un langage juste. L'homme ne peut entrer en contact avec l'énergie supramentale et l'homme ne peut laisser son mental travailler. L'homme ne peut se développer un corps supramental parce que l'homme qui veut ou l'homme qui parle ainsi est cet homme régi par les lois de Jéhovah. C'est un homme psychologique. Il y a une énergie supramentale qui, à un moment donné, peut entrer en contact avec une énergie psychologique. Il y a une énergie supramentale qui, à un moment donné, peut entrer en contact avec un homme psychologique. Il y a une énergie supramentale qui, à un moment donné, peut entrer en contact avec vous. Mais vous ne pouvez pas découvrir votre corps supramental. Vous ne pouvez pas découvrir votre corps mental. Il y a une forme d'énergie mentale qui peut être corporalisée selon des lois régissant le cadre du mental, et cette énergie mentale, disons ce corps mental, peut à un moment donné entrer en contact avec un corps astral, avec un homme psychologique, avec vous. Tous ceux qui essaient de développer leur corps supramental essaient donc de développer le supramental placé dans l'astral. Ceux-là sont toujours régis par les lois de Jéhovah. Il y a deux formes de lois qui viennent de Jéhovah. Il y a les lois naturelles qui régissent le cadre d'évolution et il y a les lois spirituelles qui, eux aussi, régissent le cadre d'évolution. L'homme peut essayer de manipuler le cadre naturel, les lois naturelles, mais l'homme ne peut arriver à régir les lois spirituelles. Continuellement, même l'homme qui est athée souffre de la peur, souffre d'un doute qui n'est pas salutaire, souffre d'un minage intérieur qui le ramène continuellement à une croyance et à une foi. Il est continuellement régi par les lois de Jéhovah. Les lois rigides amenées par Jéhovah avaient donc comme fonction d'obliger un cadre d'évolution non transformable par l'homme inconscient. Alors, à une certaine époque, on devait émettre certaines formes de lois qui résonnaient sous le terme « œil pour œil et dent pour dent ». Lorsque le Christ a pu enfin être incorporé, c'est-à-dire lorsqu'il a pu prendre possession d'un corps, le Christ qui était le summum de l'évolution au niveau des archanges lors de la période du soleil, a transformé l'énergie de la planète et il a transformé le cadre instauré par Jéhovah. Le Christ a permis à certains individus, à certains hommes, de devenir d'être en contact avec l'Esprit Saint, d'être en contact avec certaines formes d'expression de l'énergie supramentale, et les êtres qui sont en relation avec l'énergie supramentale ne sont plus assujettis aux lois de l'évolution telles que l'humanité les connaisse, ni aux lois de l'évolution naturelle. Évidemment, cela dépend du degré de contact avec l'énergie supramentale, autrement dit, cela dépend du degré d'interprétation par le plan psychologique de l'énergie supramentale, autrement dit, cela dépend de la possibilité qu'a l'énergie supramentale d'être exprimée sans déformation. Les lois naturelles régissent le cadre de l'évolution tel que prescrit, disons-le, ou disons, oui, par Jéhovah. Mais une loi naturelle ne régit jamais le plan d'évolution d'une énergie supérieure au plan de Jéhovah. L'homme est assujetti aux lois naturelles et l'homme est assujetti aux lois spirituelles. Dans les lois spirituelles, nous retrouvons évidemment la loi du karma. Nous retrouvons plusieurs autres formes de lois, ainsi que des lois qui régissent la réincarnation ou l'incarnation subséquente et... Loi naturelle, nous avons la souffrance. Le cadre d'évolution peut et doit finir par être compris par l'homme qui évolue dans le cadre d'évolution. L'homme a toujours essayé de transformer le cadre d'évolution pour satisfaire son désir d'évolution qui n'a aucun lien avec les possibilités réelles d'évolution de l'homme. L'énergie psychologique de l'homme, l'énergie astrale de l'homme, essaie de déterminer dans quel cadre son mental devra évoluer pour devenir parfait. Il essaie de même d'établir les limites et les cadres d'évolution de l'énergie supramentale, les relations avec les ou l'ajusteur de pensée, etc. Lorsque l'homme devient intelligent, lorsque l'homme devient Jéhovah, lorsque l'homme est capable d'instaurer des cadres d'évolution rigides parce qu'intelligent, il n'est plus assujetti au cadre d'évolution de la planète, de la masse, de l'humanité. Mais il devra néanmoins compter avec ses cadres d'évolution. C'est-à-dire qu'il devra être diplomate, car il n'est plus assujetti au cadre d'évolution spirituel ou peut-être naturel, mais il reste assujetti au résultat qu'ont ses cadres d'évolution dans l'expression. Autrement dit, il devra faire attention à ceux qui sont assujettis à ces cadres d'évolution, même si lui ne l'est plus. Le cadre d'évolution a été, au cours de l'évolution de la race aryenne, donc, disons, de la race européenne, de la race blanche, a été extrêmement étudié par des hommes qui étaient en contact avec certaines formes d'intelligence, et il a été manipulé, coordonné, dirigé par les mécanismes de Jéhovah. Les mécanismes de Jéhovah ont créé par densification involutive, et je le répète que l'involution est obligatoire pour permettre l'évolution, donc l'involution est évolution. L'expression des lois rigides de Jéhovah se sont densifiées de différentes façons sur différents continents, dépendant des formes d'expression d'énergie. Alors, on a l'énergie tellurique, on a l'énergie psychologique de la région, on a différentes choses qui vont transformer l'expression des énergies géoviques, et on va voir apparaître d'autres cadres d'évolution qui sont plutôt des cadres d'involution, qui, dans la réalité propre, ne nuisent en rien à l'évolution de la planète, mais amènent plus de souffrance dans l'évolution de la planète. À un moment donné, évidemment, nous allons devoir balayer ces cadres d'évolution, non pas parce qu'elles vont nuire, elles n'auront pas le choix, elles vont être balayées. Mais elles ne nuisent pas à l'évolution de la planète, elles ne font que densifier, dynamiser, énergiser le plan de l'astral par l'intermédiaire de la souffrance. Et présentement, on est rendu dans une époque où certains êtres auront comme fonction de détruire l'astral. Le cadre d'évolution est important. Il est important et certains hommes peuvent le construire. Certains hommes peuvent arriver à émettre, à établir des cadres d'évolution pour permettre à certaines entités d'élite, à travers une masse, à travers une collectivité, de pouvoir, par ce nouveau chemin, arriver à une évolution d'une façon plus rapide. Et je le répète, plus rapide ne veut pas dire accélérer. Tu peux évoluer plus rapidement parce que c'est ton temps. Tu n'as pas une évolution accélérée. elle se fera plus rapide par comparaison à ce que tu étais avant, mais tu peux plus rapidement évoluer parce que c'est ton temps d'évoluer plus rapidement. Mais je ne peux accélérer ton évolution. Si tu es prêt, tu vas évoluer plus rapidement. Et pour évoluer plus rapidement, lorsque tu es prêt, tu devras faire deux choses. Une des deux choses. Ou créer un cadre pour te permettre d'évoluer plus rapidement, ou t'assujettir à un cadre déjà existant qui va te permettre d'évoluer plus rapidement. Ces cadres d'évolution qui permettent à l'élite d'une collectivité, d'un peuple, d'évoluer plus rapidement, sont régis par d'autres formes de lois que ceux émises par Jéhovah. Ce sont des lois qui sont émises par l'intelligence supramentale, et même si Jéhovah est la représentation planétaire de l'énergie supramentale à l'époque atlantéenne et européenne, il n'en est pas moins qu'il n'est pas le représentant intégral de l'énergie du supramental. Il est, à cette époque, lors du plan d'évolution de la Lune, l'un des plus évolués. Mais il n'est pas, présentement, ce qu'il y a de plus évolué en termes d'énergie supramentale. Surtout que depuis le passage du Christ sur la planète, Jéhovah n'a plus de fonction dans le plan d'évolution de la planète. On ne doit évidemment plus essayer de contacter Jéhovah. Les seuls vestiges géoviques qui restent au niveau de la planète sont dans les sphères de l'astral, sous forme de tradition, sous forme de religion, sous forme de mémoire. À un moment donné, certaines formes d'énergie catalysante de l'évolution, donc ceux qui auront comme forme fonction d'instaurer des cadres permettant à l'élite d'évoluer, vont apparaître dans le plan de la planète. On a les noms Melchizedek, on a Moïse, on a différents initiés qui vont apparaître et qui vont lentement instaurer un nouveau cadre d'évolution qui n'est pas un cadre de religion. Ce ne sera pas un cadre qui permet la foi et la croyance, ce sera un cadre qui bannira la foi et la croyance, mais qui suggérera surtout la compréhension. Malgré Moïse, malgré ce que Moïse a laissé à l'humanité, et malgré ce que l'humanité a voulu garder du passage de Moïse, Moïse a laissé d'autres choses. Moïse a instauré d'autres choses, d'autres formes d'évolution. Moïse a créé un cadre d'évolution qui était totalement différent du cadre dans lequel il, apparemment, évoluait. Abraham a été beaucoup plus assujetti au cadre d'évolution géovique, quoiqu'il s'en est libéré parce qu'Abraham a rencontré à un moment donné les mémoires de Ram. Lorsque Moïse a commencé avec certains de ses disciples la formation d'un nouveau cadre d'évolution qui n'était pas donné à la masse, il a été, si l'on peut dire, l'un des premiers à amener la symbolique, non pas la symbolique de foi, non pas la symbolique pour canaliser une croyance psychologique, non pas la symbolique pour permettre à la psychologie d'être rassurée parce qu'elle a proche d'elle la représentation de ce qu'elle croit, mais une symbolique qui permettrait, à travers une masse, la transmission de connaissances authentiques sans que ceux qui ne sont pas authentiques puissent s'en rendre compte. Autrement dit, il est l'un des premiers, à travers différentes symboliques, à travers différentes expressions de l'alchimie et de la religion, à avoir communiqué à tout le monde des choses que personne ne pouvait comprendre, sauf s'ils étaient prêts. Je saute différentes étapes parce que je veux en arriver à aujourd'hui. En Égypte, on a vu l'instauration de différentes doctrines et de différents contextes d'évolution, de différents cadres d'évolution qui ont été régis par des énergies intelligentes. Continuellement et toujours, pour calmer le peuple qui était toujours assujetti aux lois de Jéhovah, c'est-à-dire aux lois qui sont extrêmement rigides et qui obligent un homme qui ne comprend pas à suivre une loi pour ne pas trop se perdre dans son évolution, à travers ces contextes géoviques qui pouvaient porter différents noms selon les pays et selon les langues, on avait différentes formes de cadres d'évolution. On avait surtout un cadre d'évolution qui permettait à l'élite de l'Égypte, à l'élite mésopotamienne, à l'élite par après au niveau de la Perse, à l'élite romaine, à l'élite juive, à l'élite grecque, de pouvoir évoluer. Ces formes de cadres d'évolution, on les a connues à cette époque sous le nom surtout de thérapeutes, de nazaréennes, de nazarites, de gentils, d'esséniennes, tout regroupé sous un grand nom de l'époque, un grand nom qui n'a plus aucun rapport aujourd'hui, de fraternité blanche. Ces espèces de groupements d'élite ou qui tentaient d'arriver à une élite ont donné, évidemment, par interprétation, c'est-à-dire par densification de leur origine, d'autres formes d'expression d'élite, mais d'élite psychologique. Donc, on a présentement trois cadres d'évolution, un régi par les mémoires de Jéhovah, un régi par l'élite qui n'est pas psychologique, qui n'est pas assujettie à l'astral, et un qui régit l'élite assujettie à l'astral. Dans l'élite assujettie à l'astral, on a ceux qui vont vouloir se servir d'énergie intelligente pour arriver à leur propre fin. Dans l'élite assujettie au mental et non assujettie à l'astral, on a ceux qui vont vouloir amener des cadres d'évolution pour pouvoir programmer en remplacement, disons, même si ce n'est pas tout à fait le terme, en remplacement de Jéhovah, pouvoir amener la masse, la collectivité à évoluer. Et on a la masse qui n'a pas de désir particulier de domination, qui ne comprend à peu près rien à son évolution. On a donc les bienheureux, ceux qui ne se posent pas de questions. Sachez qu'il y a plus de suicides dans ceux qui se conscientisent que dans ceux qui ne font rien, et c'est normal. Vers, je saute encore des étapes, vers l'an 1100, après la disparition du Nazaréen, on a certaines formes d'expression de l'élite mentale à travers le cadre d'évolution géovique, celui de la religion, qui vont essayer lentement de dominer, lentement de transformer les cadres religieux. Évidemment, la psychologie à cette époque est extrêmement beaucoup plus puissante que l'énergie mentale, ce qui fait que c'est la concurrence entre l'expression de la psychologie qui va permettre la naissance de différents cadres d'évolution réservés à l'élite. Alors, à un moment donné, nous construisons des cathédrales pour permettre aux fidèles de pouvoir communiquer avec les différentes formes d'expression de Jéhovah, les dieux de colère et les dieux d'amour et les dieux de paix, les dieux qui ont des lois et les dieux qui veulent que ces lois soient respectées. Les dieux d'ordre géovique. Les prêtres voient évidemment leur population grandir et, en même temps, parallèlement, leur psychologie possessive va aussi grandir. Alors, ils désirent avoir des églises qui vont de plus en plus pouvoir contenir la population entière. Et lentement, on va donc s'efforcer de construire de nouvelles formes d'églises plus grandes et, évidemment, ces églises devront être plus solides, parce que plus grandes. Les matériaux de l'époque sont le bois et la pierre. Et la pierre n'est pas un matériel extrêmement solide. Par contre, il est extrêmement pesant. Dans les grandes villes, on va donc commencer la construction d'immenses églises, d'immenses cathédrales. En campagne, on va voir la concurrence de ces cathédrales, et lentement, on va pouvoir, sans s'en rendre compte, laisser venir de l'extérieur de ces élites qui vont transformer l'expression des religions intérieures. Alors, on va faire venir des personnes qui ne devront pas nécessairement embrasser la foi et la religion, mais qui pourront construire ces endroits, ces églises, ces cathédrales. Je passe sur plusieurs points qu'à un moment donné, on pourra rediscuter. À travers la construction de ces cathédrales, dans ces années, 12e siècle, on a des concurrences farouches et on finit par avoir une élite qui se verra donner par la population et par ceux qui dirigent la population des possibilités nouvelles. Cette élite aura le droit et aura des privilèges qu'aucune autre personne n'aura eu parce qu'elle est capable de plaire à la psychologie des gouvernants, c'est-à-dire que si moi je suis un gouvernant, je régis tout le monde, je soumets tout le monde, mais j'ai besoin d'immenses cathédrales parce que cela me plaît et qu'une élite peut me construire cette cathédrale. Évidemment, il y aura des pourparlers entre eux autres et moi-même et eux autres me demanderont certaines choses. Ce qui fait que je devrais accepter leurs demandes pour avoir ce que je veux. Donc, je bâtis une nouvelle classe sociale, une classe de constructeurs. À travers ces expressions, nous allons voir lentement apparaître d'autres formes tentaculaires, c'est-à-dire dérivées de ces constructeurs de cathédrales, et nous allons voir l'intelligence commencer à prévoir, l'intelligence qui est conséquentielle, commencer à prévoir ce qui arrivera karmiquement à cet état de choses, à cette classe sociale de constructeurs, à ceux qui seront capables de bâtir des cathédrales. Ceux-là, à un moment donné, seront manipulés par leur grandeur et il y aura évidemment une destruction de cette classe de constructeurs. Mais si l'on peut prévoir vers quelle époque, dans quel cadre collectif d'évolution, ce cadre d'évolution d'initié sera détruit, nous pourrons donc ramasser les vestiges positifs de cet état de choses pour poursuivre, pour étirer, pour perfectionner le cadre d'évolution d'une élite. Vers l'an 1300, lentement, en tentacule avec l'ordre des constructeurs de cathédrales, va apparaître une espèce d'élite qui peut construire, mais qui voit déjà une représentation dans l'art de construire les cathédrales et l'art de construire des êtres humains. Donc, lentement, il découvre les manipulations et commence à savoir comment manipuler. Leur désir n'est pas de manipuler, leur désir est d'investir dans un cadre d'évolution permettant à eux-mêmes, l'élite, et à une autre forme d'élite non au monde ou non connue, de pouvoir, à un moment donné, bénéficier de l'évolution accélérée. Sous forme de tradition, bref, sans s'en rendre compte, ces élites vont se grouper. Ces élites vont ramasser des traditions de l'Antiquité pour essayer de créer une structure, parce que tout ce qui n'est pas structuré n'est pas l'apanage du mental. Et tout ce qui n'est pas structuré est facilement destructible par la tentation de Satan, tentation de l'astral. Si vous avez une structure, vous êtes beaucoup plus sécuritaire dans votre évolution que si vous n'avez pas de structure. Mais la structure doit être structurée de façon à pouvoir admettre n'importe quand que les bases même d'elle-même, de cette structure, peuvent être fausses. Mais l'homme doit rester, lorsqu'il évolue en collectivité, dans certains cadres de structure. Il doit se structurer. Il y a évidemment plusieurs pièges à la structure, j'en ai énuméré un, il y en a d'autres. L'humanité en a découvert d'autres, et il y en aura d'autres. Lentement, les constructeurs de cathédrales vont se faire une lutte farouche, et à un moment donné, ils vont se rendre compte que la lutte ne sert à rien car elle amène simplement la perte de leur classe sociale, la perte de leurs privilèges. Alors lentement, ces constructeurs de cathédrales vont essayer de se grouper. Ces constructeurs ne construisent que la matière. Et en parallèle, on aura des constructeurs qui vont construire dans l'être humain. Ces deux clans seront assujettis à la même énergie intelligente. ces deux organisations seront gouvernées par la même énergie intelligente, celle d'arriver à un moment donné, quoique c'est inconscient chez les constructeurs et c'est clair chez ceux qui construisent pour l'être humain, cela va devenir conscient par après chez les constructeurs de cathédrales, cette énergie intelligente les dirige tous les deux de façon à créer un cadre d'éducation, c'est-à-dire un cadre d'évolution réservé à l'élite. Évidemment, de ces deux mouvements parallèles vont naître plusieurs autres mouvements parallèles à ceux parallèles qui disparaîtront, qui essaieront de transformer, qui lutteront, mais on va parler des principaux qui, présentement, existent encore, mais qui sont dans une descente effroyable parce qu'ils doivent maintenant être remplacés par une autre forme de cadre d'évolution. Et c'est là-dessus qu'on va en arriver. Donc, vers l'an 1300, les constructeurs de corps humains, vestiges des constructeurs de cathédrales, même si les constructeurs de cathédrales existent toujours, ils vont exister d'ailleurs correctement jusque vers l'an 1700, où ils vont être complètement rénovés pour pouvoir poursuivre leur cheminement jusqu'à aujourd'hui. Mais les constructeurs vont lentement élaborer différentes formes de traditions pour pouvoir permettre aux membres de ces deux institutions, l'une qui construit la pierre et l'autre qui construit l'homme, de pouvoir se communiquer entre eux. Parce que les constructeurs de pierre n'étaient pas dans une seule ville, ils étaient dans plusieurs pays. Et évidemment, s'ils voulaient se reconnaître, ils devaient avoir certaines formes qui n'étaient pas connues de la population, sinon tout le monde s'en serait servi et il n'y aurait pas eu de différenciation, donc de reconnaissance. Alors lentement, ces organisations ont fini par se grouper et ils ont formé des sociétés. Ces sociétés ont été régies par l'intelligence, je le répète. Ces deux sociétés différentes ont été bâties par la même énergie qui s'est exprimée sous deux personnes différentes, dans deux temps différents, mais qui étaient la même personne. Et ces organisations, ces sociétés se sont réunies entre eux autres. Les deux séparés se sont réunis entre eux autres. La société des constructeurs, les francs-maçons, ont vu leur gloire se détériorer à un moment donné où on a décidé, où on a découvert de nouvelles matières de construction. Donc, on n'avait plus besoin de ces constructeurs de cathédrales, c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de leur sagesse, de leur savoir et de leur connaissance. Donc, la franc-maçonnerie à cette époque, qui était des francs-maçons opératifs ou opérationnels, c'est-à-dire ceux qui construisaient dans la matière, se sont vus dirigés vers une destruction lente. Par contre, en Angleterre et en Allemagne, on va voir l'énergie du mental s'exprimer un peu plus puissamment. Et en Angleterre, la science matérielle a été transformée un peu en retard. Et les Anglais mangeaient énormément de viande à cette époque. Et c'est la viande, hélas, qui permet à un être mental d'être nourri. Je ne parlerai pas trop longuement de ce phénomène, mais partout où l'on est végétarien, on n'a pas de corps mental puissant. Et partout où l'on mange de la viande, on a un corps mental puissant. Lorsque le corps mental est suffisamment énergisé, nous devrions resubtiliser nos états inférieurs, donc on pourrait de plus en plus bannir la viande. Mais une chose est certaine, c'est que sans la viande et sans le vin, c'est une autre chose, l'homme mental n'aurait pu apparaître sur la Terre. Donc, dans les pays, dans l'Allemagne et l'Angleterre, l'Allemagne, c'est une chose pour un des clans parallèles, et l'Angleterre pour les francs-maçons, on a vu apparaître une nouvelle forme. Les francs-maçons, après un peu plus de 600 ans de construction matérielle, en sont arrivés à la conscience qu'ils devraient peut-être construire l'homme. Alors, de ces francs-maçons opératifs, opérationnels, on a vu apparaître la franc-maçonnerie spéculative, c'est-à-dire celle qui ne parlait plus de choses concrètes dans la construction de cathédrales, mais parlait plutôt de cathédrales humaines. Ces cadres d'évolution sont évidemment totalement différents des cadres de la religion. Et ces cadres d'évolution ne sont pas assujettis aux lois géoviques, ils ne sont pas des cadres rigides émis à des êtres inconscients. Ce sont des cadres rigides émis à des êtres pseudo-conscients ou qui avaient la faculté de devenir conscients. selon l'époque, évidemment. En Allemagne, on va voir l'apparition d'une organisation qui, antérieurement aux francs-maçons spéculatifs, antérieure de quelques 400 ans, va vouloir construire des cathédrales humaines. Ce qui fait que par après, en Angleterre, ceux qui vont devenir la franc-maçonnerie d'aujourd'hui vont évidemment retirer, disons, la langue conventionnelle dirait copier, mais ce qui est faux, plusieurs éléments de cet ordre né en Allemagne qui va naître et qui va aborder le symbole de la croix du calvaire éclaboussée par le sang d'où va naître une rose. L'ordre rosicrucien. L'ordre rosicrucien va voir son début réel en Allemagne et l'ordre de la franc-maçonnerie spéculative, la réelle franc-maçonnerie, disons, mentale, va voir sa naissance, surtout en Angleterre. Évidemment, il y a plusieurs petites nuances à l'intérieur de ce que je vous dis, mais en gros, c'est cela. Ces deux cadres d'évolution nés de la même source vont progresser chacun vers et avec des élites légèrement différentes, tout en étant en relation. L'énergie intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte que de temps en temps, une élite franc-maçonnique devienne un initié rosicrucien et qu'une élite rosicrucien devienne, à l'insu de la franc-maçonnerie, une élite de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que, exactement comme si, de temps en temps, et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé, mais on envoie un Indien, un hindou ou un protestant, mais hautement féru de protestantisme, il s'ingère dans la religion catholique romaine, personne ne sait qu'il est protestant, à un moment donné, il devient évêque, archevêque ou pape. Mais c'est un protestant qui est pape de l'Église catholique romaine. Alors évidemment, à l'insu de tous les fidèles, l'Église est remaniée et se dirige vers le protestantisme. Et de temps en temps, un élite chrétien s'en va faire un tour chez les protestants et, à l'insu de tous, dirige le protestantisme vers l'Église catholique romaine. Ce n'est pas exactement ce qui se passe dans les religions, mais c'est par contre exactement ce qui se passe dans ces sociétés. Alors donc, on a des problèmes de compréhension entre les relations qui ont existé entre la franc-maçonnerie et l'ordre rosicrucien. De l'ordre rosicrucien va exister deux ordres rosicruciens à un moment donné, vers le début 1907 pour être précis, et on va assister à deux ordres Rose-Croix. C'est le début de la décadence, c'est le début de l'effondrement, et les personnes conscientes chez les loges franc-maçonniques le savent, et ne feront rien pour l'en empêcher, et les personnes conscientes dans les ordres rosicruciens le savent et ne feront rien pour l'en empêcher. Ils sont très peu nombreux, évidemment, ceux qui en sont conscients, parce que ces ordres doivent être détruits, parce que justement, elles sont maintenant régies par un ego. Un ego rose-croix ou un ego franc-maçonnique. L'élite ne peut plus être filtrée dans ces ordres, dans ces sociétés, parce que l'élite n'y existe plus. Par contre, le fondement mental, le fondement intelligent de ces ordres existe toujours et c'est lui-même, le créateur de l'ordre, qui détruira l'ordre pour le transmuer en une autre forme d'expression permettant l'évolution de l'élite. Il est normal, soit dit en passant, qu'il y a eu plusieurs religions sur la planète et qu'il y a eu plusieurs ordres de sociétés secrètes, traditionnelles, ésotériques, qui ont eu tous les deux des enseignements extraordinaires. Parce qu'il y a des êtres différents, il y a des sociétés différentes. Et l'un n'est pas en lutte par rapport à l'autre, il n'y a pas un des deux qui est bon ou qui est meilleur. Il y a une qui s'adresse à un genre d'élite, et il y a un autre qui s'adresse à un autre genre d'élite. Alors, dans la deuxième partie, nous reviendrons sur ces ordres.